Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Michael Quiroga. Une galère, non, c'est pas vraiment une galère, c'est plutôt une grosse frayeur que j'ai eue en jouant, c'était à Cournon d'Auvergne. Uh-huh. Et la première fois que j'ai joué mon spectacle en province, Le 63. C'était à Cournon d'Auvergne, voilà, à la Baie des Singes. Ouais. Voilà, super endroit, super équipe. Et donc je joue mon spectacle, tout ça se passe bien, c'est plein, je suis super content. Et j'ai failli tuer un vieux, en fait. J'ai vraiment failli tuer un vieux parce qu'il faisait chaud. Et apparemment, il se marrait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut dire que je suis très, très, très drôle. Super, évidemment, on le sait. Donc ça se tient. Moi-même, je me méfie là pour le podcast. Voilà, donc ça se tient, si tu veux. Et non, le monsieur a fait un vrai malaise. Il est tombé carrément. Et il était évacué par les pompiers au balcon, en fait, pendant que je jouais. Les mecs, ils lui faisaient l'oxygène, réanimation. Brancard, tout, ils l'ont emmené comme ça, j'ai fini en me demandant si j'avais tué quelqu'un. C'est arrivé au bout de combien de minutes à peu près ? À peu près au bout de 20 minutes, mon spectacle fait 1h10, 1h15, donc je pouvais pas dire non plus. Je vous laisse, on arrête là ou non, voilà, là, il fallait continuer quoi. Non, puis je vois pas comment j'allais rembourser aux gens 40 minutes. J'avais pas envie non plus. Oui, en effet, et puis voilà. Déontologiquement, c'est très compliqué, donc j'ai préféré continuer à jouer, ouais, déjà, parce que les gens d'en bas, eux ne s'étaient rendu compte de rien. Oui, parce que le mec était pas à leur niveau. Non, c'était au balcon que ça s'est passé. D'accord. Donc c'est ça, normalement les gens malades, les gens à risque, ils les mettent au balcon. Voilà, ben là c'est apparemment ça. C'était comme il était très âgé, ils l'ont mis là-haut. Ouais, je comprends. Et ils l'ont évacué. Mais j'ai pris de ses nouvelles le lendemain parce que tu penses bien que j'ai passé la nuit à penser qu'à ça. Je me permets bien sûr, mesdames et messieurs, de faire une blague là-dessus parce que justement, j'ai pris des nouvelles le lendemain et il est décédé. Non, je plaisante. Non, il va très bien et d'ailleurs il était très content que je prenne de ses nouvelles. Ah, bah c'est sympa. Bah ça c'est une bonne chose. C'est une frayeur, on va dire. Alors maintenant, je sais pas parce qu'il était. Alors est-ce qu'il est vivant aujourd'hui? Je ne sais pas parce que c'était il y a quand même un an et il était très vieux déjà. Peut-être il a rigolé depuis et là. Je sais pas si on va prendre le risque de prendre de ses nouvelles. Non, mais je suis pas responsable de toutes les crises de rire qu'il a. J'avoue qu'après, non, ça y est, t'as joué ton spectacle, voilà. J'espère qu'il va bien et j'espère qu'il fera centenaire. On l'embrasse si jamais il nous écoute, voilà. Tu avais d'autres anecdotes peut-être à nous raconter. Donc, si tu penses à des anecdotes, des galères, des trucs, des bides, des je sais pas, quelque chose de. Ah, des bides, oui, oh là, oui. Alors, oui. Donc tu avais plusieurs. Donc, Alors, le plus grand beat de ma vie, j'étais en première partie de François-Xavier de Maison, c'était à la Gaîté Montparnasse. Et là, je vais citer la personne parce que c'est pas de sa faute à lui, mais il y avait un grand monsieur du théâtre qui était dans la salle qui s'appelle Jean-Michel Ribes. Oui, tu vois, sûr, voilà. Le palace. Voilà, et il faut savoir que Jean-Michel Ribes, alors voilà, pour tous les humoristes, c'est une légende et tout. Et le gars, quand je fais la première partie, je me dis, bon, ah, putain, c'est le moment de marquer des points, Jean-Michel Ribes et tout. Et j'y vais et tout. Le gars, il décoche pas un rire, mais pas un sourire, même pas une grimace, rien, j'ai cru qu'il était décédé. Et le pire, c'est que la salle s'est mise au diapason de ce mec. Ce qui fait que ce passage-là, j'ai eu zéro rire, ça m'a traumatisé. Depuis, quand j'ai une soirée pourrie, je dis « Ah, c'est une soirée Jean-Michel Ribes ». Ça n'a rien à voir avec lui, hein. C'est juste que c'est mon moyen mnémotechnique. Oui, voilà, ça y est, maintenant. Et en plus, je suis traumatisé parce que pendant que je jouais, pas de rire, et je me fixais sur lui, je voyais que son crâne, parce qu'il est chauve, qui brillait peut-être dans le noir. Donc ouais, il transpirait un peu, il était c'était un peu mal à l'aise pour toi, c'était un enfer, c'était un enfer. Ben, on embrasse Jean-Michel Ribes, bien sûr. Oui, on l'embrasse. Voilà, et si jamais je joue, voilà, et qu'il se rassure, si jamais je joue, bien entendu, il vient pas. D'accord, ok. Non, parce que sinon, j'allais dire au pire, je lui fais écouter, et quand il verra que tu tues des vieux à Cournon d'Auvergne... Il viendra pas, déjà. Non plus. Parce qu'il est vieux, mais... Non, mais c'est le mieux, c'est qu'il vienne pas. Je te dis, pas de problème. Non, je suis trop mal. Et le pire, j'ai refait une chronique sur lui. Devant lui, il n'y a pas longtemps. Ouais. Et ça a été un cauchemar pour moi, cette chronique, parce qu'elle s'est souvenu de toi. Elle a pas marché du tout. Non, je pense pas. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mais je crois que. Tu t'es présenté, bonsoir, Patrick. Voilà. Non, mais Jean-Michel Ribes, c'est mon chat noir, faut que je l'évite. Oh là là. C'est tout, voilà. C'est un gars bien, tout, il est drôle, il est adorable, mais bon. C'est un génie et tout, mais il faut que je l'évite. C'est un. Comment dire, c'est ta kryptonite. Voilà, c'est ma kryptonite. Tu me le mets dans la salle, je suis mort. Je peux plus rien faire. C'est fini. Eh ben écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ben, sur les réseaux sociaux, il y a mon Facebook, voilà, Michael Quiroga, c'est mon blaze. D'accord. Et puis on me retrouve sur Europe pour ceux qui écoutent Europe. Sur l'émission d'Anne Romanoff sur Europe 1, donc voilà, ça fait du bien. Sinon, il est possible sur scène aussi. Sur scène aussi, puisque là je vais partir en tournée, j'ai des dates un petit peu partout, je te donnerai ça. D'accord. Et probablement aussi, même sûr, en première partie de Wally sur quelques dates, puisque d'accord, Wally, on va faire une grosse tournée dans toute la France avec ce spectacle. Avec grand plaisir. Eh bien génial, merci beaucoup. Merci merci Mickaël pour ces anecdotes, avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Non, pas sur TikTok, non, il faudrait que j'y aille. Sur tous les réseaux sociaux. J'avoue qu'il faudrait que j'y aille. Sur tous les réseaux. Je suis désolé. Tu dis, je suis sur quelques réseaux. Je suis sur 4 réseaux sociaux, voilà. Et encore, YouTube, je ne sais même pas si c'est un réseau social. C'est pas un réseau social. Non, c'est une chaîne de publicité. Bon, alors vous me retrouvez sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Parce que des fois, ils coupent la pub avec des vidéos. Faut arrêter ça. C'est vrai, j'avoue. Hein, bah non, attends, tu viens pour voir des pubs, tu viens pas pour mater des vidéos. Ouais, on s'en fout des chats qui font du. Bah voilà, les chats, ouais. Exactement, voilà. On fout. Enfin bref. Mais ça, de toute façon, t'inquiète, c'est un coup des Illuminati, on a. Toujours. On a l'habitude, Petit message aux Illuminati, je veux bien signer. Oui. Y a pas de problème. D'accord. Voilà. Alors je suis joignable à jeanmichelrib@gmail.com. Bon ben en tout cas vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Je vais pas les redire parce que je vais me faire engueuler par Mickaël. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.